France Musique. Merci Nathalie Piollet, profitez bien de cet été et on vous retrouve à la rentrée. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Que de spectacles musicaux vous attendent cet été en off à Avignon. On pourra vous conseiller entre autres d'aller voir 31 de Stéphane Corbin, Naturellement Belle de Rachel Pignot et Raphaël Calandreau, Monsieur Choufleury ou encore Kiki de Hervé de Volder. En tout, ce sont 137 spectacles musicaux différents qui seront présentés à Avignon. Vous ne resterez donc pas seul cet été, d'autant que certains spectacles viennent aussi d'ouvrir à Paris. Je vous en parlerai en fin de 42e rue. Alors pour cette dernière de la saison, la 42e rue se remémore la saison passée et se projette aussi dans l'avenir. Car l'an prochain, quelle comédie musicale fera l'événement en France? Je vous le donne en mille. Au Théâtre du Châtelet, une comédie musicale intitulée 42e rue. Shows. No one cares and no one knows who is the handsome hero some villain always frames. But who cares if there's a plot or not when they've got a lot of go for, go see a show for, tell the truth, you go to see those beautiful dames. You spend, you go for, bouquets that go for, all those cute and cunning, young and beautiful dames. Dames are temporary flames to you, dames, you don't recall them. In your memory, see those beautiful. In your memory, all those beautiful. What do you go for? Go see a show for. Tell the truth, you go to see those beautiful days. You spend your love for. Dames are temporary flames to you. about a dance? What do you say? I got some moves that I'd love to show you. Let's find a spot and dance the night away. Une nouveauté à l'instant, un album de jazz autour de Frank Wildhorn, un des auteurs contemporains les plus prolifiques. How about a dance? Est-ce que vous ne voulez pas danser avec moi? Cet extrait de l'adaptation par Frank Wildhorn de Bonnie and Clyde en comédie musicale. Et à l'instant, c'est Laura Osnes qui interprétait cette chanson. C'est extrait d'un concert en live au cabaret Le 54 Below, un album intitulé Bonnie and Clyde and a Lot of Jazz. Toute la comédie musicale revisitée avec au piano Frank Wildhorn. Et puis pour débuter, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous l'oreiller durant l'été, un extrait de 42e rue, la comédie musicale, en anglais 42nd Street, qui sera cet automne la dernière grande comédie musicale proposée au Théâtre du Châtelet par son directeur Jean-Luc Choplin avant la fermeture du théâtre pour travaux pour au moins 2 ans. Vous pouvez déjà acheter vos places et vous pouvez compter sur nous pour vous parler de ce spectacle et vous offrir, comme cette saison, un concert privé avec la troupe. Des concerts privés, des cabarets 42e rue, comme on les appelle désormais, on vous en a offert encore toute cette saison, une fois par mois et parfois même plus. Alors aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de réécouter les moments forts en direct, en public, ici à Radio France, ou en extérieur avec des artistes de comédie musicale que nous avons eu la chance de recevoir. À commencer par certainement le moment le plus émouvant de la saison, c'était juste après les attentats de Paris en novembre. Nous recevions une grande dame de Broadway, la française de Broadway comme on dit, Liliane Montevecchi, qui enfin, grâce au producteur Patrick Niedo, proposait dans son pays, à Paris, son One Woman Show. Alors rappelez-vous, l'ambiance était extrêmement lourde d'émotions lorsque nous avons enregistré cette émission. Et qu'est-ce que nous a offert Liliane Montevecchi ? Deux chansons. Signé Cole Porter, à propos de Paris. You come to Paris, you come to play, you have a wonderful time, you go away, and from then on you speak of Paris knowingly. You may know Paris, you don't know Paris. Though you've been around a lot and danced a lot and laughed a lot, you don't know Paris. You may say you've seen a lot and heard a lot and learned a lot. You don't know Paris. Paris will still be laughing after every one of us disappears. But never once forget her laughter is the laughter that hides her tears. And until you lived a lot and loved a lot and lost a lot, you don't know Paris. You don't know. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the summer when it seasons. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. Liliane Montevecchi est rentrée aux États-Unis, mais on espère grandement qu'elle reviendra bientôt à Paris pour d'autres concerts en solo. Elle était accompagnée ce jour-là au piano par Mathieu Serradel, et vous pouvez voir la vidéo de cette chanson sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. On a décidément beaucoup chanté Paris cette saison sur la 42e rue. Rien qu'il y a 15 jours, par exemple, Milena Marinelli reprenait avant Avignon son rôle de Kiki de Montparnasse lors d'une carte blanche au compositeur, metteur en scène, parolier, chanteur, comédien, n'en jetez plus, Hervé de Volder. Ah si, il est aussi pianiste. Je marche dans Paris, la Villette à moi. Les grands arbres de nuit m'applaudissent tout bas. À cette heure-là, les kiosques à musique fredonnent. Des souvenirs de bal au cœur qui s'abandonne. Et du bout de mes doigts, moi j'accompagne le refrain en jouant de Je marche dans Paris, un extrait de la comédie musicale Kiki de Hervé de Volder, à ne pas rater si vous passez par Avignon durant le mois de juillet. La vidéo de cette émission est aussi sur francemusique.fr. On a beaucoup chanté Paris cette saison sur la 42e rue en live. Alors la preuve par 3, ou si vous préférez jamais 203, c'est au tour de Nicole Croisille, brillante à souhait l'automne dernier dans la reprise de Irma la Douce avec Laurent Deutsch au théâtre de la Porte Saint-Martin. En talons aiguilles, Nicole Croisille était la narratrice. Elle haranguait le public et avait droit à son grand numéro. Le titre, y'a que Paris pour ça. Malgré les bourriques, l'existence féerique, la grande fantasia, y'a que Paris pour ça. Les pépées sérieuses, les bonnes gagneuses, les sujets brevetés, chouette mentalité. Y'a que Paris, Paris, pour ça. Oui, madame, y'a que Paris, pour ça. On peut être sûr que c'est là. Si tout ça va s'arranger, si ça s'arrangera, si tout ça reviendra. Et chacun se verra comme une dinette, tu diras. C'est bien plus chouette. Notre vrai paradis, c'était là. Longue partie de Brême, rêverie, café crème. Casse-graine réussie entre côtes persis. Lima solpiche, les pompes qui font riche. Les Borsalino, les costards bavots. Les coups qui se compliquent, les Jules qui rappliquent. Osseux mais correct, sors si t'es un mec. Baston sans rafale du côté de Pigalle, la grande corrida, y'a que Paris pour ça. Y'a que Paris, Paris pour ça. Pour le fric, pour la fraîche, pour le bull en tas. Y'a que Paris, Paris pour ça. Pour les mots, les girondes, les pépés extra. Tous les jours, oui c'est gala. Il n'y a pas de raison pour qu'un jour ça change. Et quand on veut voir les anges, oui, ben, Paris pour ça. Y'a que Paris pour ça, toute la troupe de Irma la Douce, mise en scène par Nicolas Briançon, en concert privé sur la 42e rue de France Musique, c'était en septembre dernier. Musique, bien sûr, Marguerite Monod avec parmi les musiciens qui accompagnaient Nicole Croisille, Jean-Luc Pagny à la direction d'orchestre, Marc Benamou au piano, Henri Dorina à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Christian Orante à la batterie et Sandy Taïk aux percussions. Alors, on a fêté Cole Porter, on a entendu un peu de Cole Porter tout à l'heure. On a aussi beaucoup chanté Leonard Bernstein cette saison dans nos cabarets 42e rue. A commencer par un concert privé avec une troupe épatante qui avait proposé cette saison un remarquable concert autour des chansons composées par Bernstein dans ses comédies musicales. Il y avait Lauren von Kempen, Scott Emerson, Maxime de Toledo et Christine Buffle qui ouvrait le bal avec cet extrait de Wonderful Tone, A Little Bit in Love. I'm a little bit in love, never felt this way before. Just a little bit in love, or perhaps a little bit more. When he looks at me, everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know, I'm so, I don't know, but I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet rich as you? Will he be my all? Or did I just fall a little bit? A little. Everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know, I'm so, I don't know, I don't know. But I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Will he be my all, or did I just fall a little bit, a little bit in love? A little bit in love. Christine Buffle, accompagnée au piano par Mathieu Serradel. Et maintenant, un petit bonus. Vous savez que parfois, comme notre émission est en direct, nous rendons l'antenne, bien sûr, à midi, mais le public a du mal à quitter la salle et demande une sorte de rappel. C'est ce qui est arrivé lorsque cette troupe est venue en décembre dernier avec ce concert autour des œuvres de Leonard Bernstein. Voici donc un bonus de Cabaret 42e rue. Il y a Lorraine Van Kempen, Scott Emerson, Maxime de Toledo, Christine Buffle, is somewhere extrait de West Side Story. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air. Wait for us somewhere. There's a time for us, somewhere times for us, time together with time to spare, time to learn, time to Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Une autre chanson de Leonard Bernstein dans les concerts privés de 42e rue cette saison. Alors cette fois, on était en extérieur. C'était en février, en direct du salon de la musique Musicora à La Villette. Et nous recevions notamment les élèves de David Stern dans sa formation Opéra Fuoco. Quelques artistes qui, en plus de leur carrière dans le lyrique, s'essaient avec talent à la comédie musicale. Rappelez-vous par exemple Léa de Zandre. C'est elle qui interprétait cet extrait de Candide, accompagné au piano par Kayo Tsukamoto. I'm easily assimilated. I was not born in sunny Hispania. My father came from Rovno, Guvernia. But now I'm here, I'm dancing a tango. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. I never learned a human language. My father spoke high middle Polish. In 1.5 hour I'm talking in Spanish. Por favor, Torreador. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. It's easy, it's ever so easy. I'm suddenly Spanish, and you must be Spanish too. Do like the natives do. These days you have to be in the majority. Tus labios rubí, tus rosas que se abren a mí, conquistan mi corazón y solo con una. Labios rubí, drei viertel takt, notre cher ami. Oui, oui, si, si, ya, ya, ya, yes, yes, da, da, je ne sais quoi. Me muero, me soy una hernia. A long way from Rovno, Guvernia. Mis labios rubí. Cette saison de comédie musicale a aussi été marquée par les productions du Théâtre du Châtelet, la reprise à guichet fermé en novembre dernier de Singing in the Rain, en novembre et en décembre, Passion, merveilleuse production avec Nathalie Dessay, mise en scène par Fanny Ardant. C'était évidemment la comédie musicale de Stephen Sondheim qu'on découvrait pour la première fois en France, que France Musique d'ailleurs a diffusé en intégralité. Et puis, le Châtelet a aussi proposé Kiss Me Kate, une comédie musicale de Cole Porter, une sorte de mise en abîme de la mégère apprivoisée de Shakespeare. Et la troupe était venue sous les micros de la 42e rue à France Musique. Rappelez-vous, c'était le baryton David Pitzinger qui incarnait à la fois le rôle de Fred Graham et de Petruccio. Where's in that special face? Parole William Shakespeare, musique Cole Porter. Thine that special face, the face which fills my dreaming. Were thine the rhythm grace, were thine the form so lithe and slender, were thine the arm so warm, so tender, were thine the kiss divine, were thine the love for me, the love which fills my dreaming, when all these charms. Classic style. I wrote it with my tongue in my cheek and my lips in a smile. But of late my poem has a meaning so new. For to my surprise, it suddenly applies to my darling, to you. Thine, that special face, a face which fills my dreaming. Thine, the rhythm grace, were thine, the form so lithe and slender, were thine, the arm so warm, so tender, were thine, the kiss divine, were thine, the love for love which fills my dreaming, when all these charms are gone, then you'll be mine, all mine. Alors encore un bonus de 42e rue, un moment que vous n'avez pas pu entendre sur l'antenne. Vous vous rappelez peut-être dans Kiss Me Kate au Théâtre du Châtelet, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, et en tout cas durant l'émission, un des grands moments, c'était le numéro de claquettes et bourriffant de Alan Borkit. Au cours d'une chanson intitulée Bianca, qu'il nous a interprétée au studio 106, l'émission avait été enregistrée exceptionnellement, et puis voilà, ça arrive, elle était trop longue, alors du coup on a dû couper quelques moments, dont ce moment donc que vous n'avez jamais entendu. Une leçon de claquettes que me prodigue Alan Borkit avant de nous proposer une sorte de bonus de claquettes sur la chanson Too Darn Hot. Alors vous avez le droit soit d'essayer aussi d'apprendre les claquettes avec Alan Borkit, soit de vous moquer. Vous pouvez m'apprendre? Can you teach me, please? Oh, come on. Oh, allez. Vous avez, allez, commencez. Premier pas. On va faire quelque chose de facile. We'll do a little shuffle, we'll change, ready? Allez, shuffle, so you're gonna change. Alors, vous allez voir, comme ça. Back. Devant, derrière, step. Derrière, et so le pas. Brush it. Alors d'abord, to explain to the listener because they're il faudrait not expliquer here. À ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne sont pas avec nous. Vous pouvez décrire well, ce que vous faites avec vos pieds. All in the alors, ankles. La claquette, so, c'est tout sur les, vous voyez, c'est tout sur les angles. Au lieu d'utiliser toute la jambe, vous utilisez juste la cheville, vous voyez, c'est la cheville. Donc, alors il faut avoir ce mouvement-là, back, hein, vous voyez, devant, derrière, and et puis on change comme ça. On se retrouve. Donc alors on fait ensemble, vous me suivez. Un, deux, je lance en arrière, en avant, et voilà, je change. Voilà. Vous avez l'impression que vous boitez là, vous boitez, hein. Vous boitez sur cette jambe, donc vous retombez sur cette jambe, voyez. Practice your limp. Alors voilà, vous travaillez sur ce boitement là, c'est bon. Boitement, vous boitez là, vous boitez, hein, voyez. Well, je crois que je vais avoir beaucoup de travail. It's going to be a long work and tough for him to get it. It's great. Some days you wake non, up vous inquiétez pas. Like, oh, un jour, vous vous réveillerez et vous direz bon, j'ai mal, mais finalement, vous faites ce que vous aimez et vous travaillez avec ces gens horribles, ces autres comédiens qui vous entourent. Et, it's all good fun. We love it. Non, on s'amuse beaucoup. Bon, je m'arrête au public du studio 106. Vous voulez encore un petit bonus de claquette? I think they want some more. Can you? Bien sûr. This is too darn hot. Donc c'est Too Darn Hot, c'est l'ouverture du deuxième acte. Tous les danseurs sont sur scène, c'est tout à fait incroyable. Yeah. Il y a aussi une vidéo de cette émission que vous pouvez regarder sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Un grand merci aussi à la traductrice, hein, Paloma Goulemo, qui pouvait expliquer exactement comment on fait des claquettes sur scène. Et puis merci aussi à la pianiste qui accompagnait cette émission, Charlotte Gauthier. Cette saison, eh bien, sur la 42e rue, on a eu aussi la chance de recevoir une star de Broadway, Liz Calloway. Alors Liz Calloway, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est elle qui chante dans le dessin animé mythique des studios Fox, Anastasia, dont on vient d'apprendre que l'adaptation sur scène allait arriver à Broadway la saison prochaine. Liz Calloway a joué dans plusieurs comédies musicales à Broadway aussi, à commencer par Follies de Steven Sondheim. Il se trouve qu'elle était en France, à Lille et puis à Paris pour un concert avec l'orchestre Padeloup dirigé par David Charles Abel. Et elle est venue en mars pour nous offrir un avant-goût en version acoustique de ce concert, accompagné encore au piano par Charlotte Gauthier. With my high starched collar and my high topped shoes and my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand. And as if it were planned, he stayed on with me and it was grand just to stand with his hand holding mine till the end of the line. Vous avez reconnu The Trolley Song, extrait du film Le Chant du Missouri. C'était chanté dans le film par Judy Garland et là c'était interprété au studio 106 de France Musique par Liz Calloway. Cette saison, nous avons aussi offert une carte blanche à un comédien français que nous respectons énormément. Grand acteur, grand chanteur, danseur. Il est aussi arrangeur vocal. Il s'appelle Vincent Eden. Il était à l'affiche cette saison de Love Circus et c'est lui qui du coup a fait le programme de l'émission. Il avait convié pour ce concert Florence Pelly et Rachel Pignot et il nous a offert avec Rachel Pignot une chanson inattendue adaptée en français pour l'occasion par Agnès Bourri et Vincent Eden, accompagnée au piano par Paul Staécu, intitulée « J'ai 5 ans ». Thank you. 5 ans, 5 ans, je suis une grande, moi j'ai 5 ans. Je m'habille toute seule, plus besoin de maman pour mettre mon pullover. Et quand je m'assieds sur le grand fauteuil, mes deux pieds touchent par terre, t'as vu ça? 5 ans, 5 ans, je suis un grand, moi j'ai 5 ans. Je sais plonger, je peux retenir mon souffle pendant un jour et quart. Si vous verriez comme j'ai même pas peur quand je suis tout seul dans le noir. D'un seul caillou, je tue à 100 mètres un serpent à sonnette. Je suis capable d'avaler 20 chewing-gums sans tomber dans les pommes. Quand j'étais dans la jungle, je chassais tous les animaux. J'ai même mangé un dinosaure quand j'étais reine des cannibales. J'ai vécu là-bas pendant 10 ans. Et après, un shérif, il m'a trouvé. Et quand je suis revenu, la police m'a posé plein d'interrogatoires. Mais j'ai pas rien dit du tout. Et j'ai couru dehors et j'ai traversé la rue toute seule. J'ai le droit. 5 ans, je suis un grand, moi j'ai 5 ans. Mon père peut bien me courir après pour que j'apprenne mes leçons. Je m'en fiche parce que je cours bien plus vite que lui de toute façon. Je suis pas un petit de 3 ans. Maman! Je suis pas une petite de 4 ans. Oh, les parents! J'ai même plus que 4 ans et demi. J'ai 5 ans. Tiens, je te donne un chamallow. Moi j'en veux pas ton chamallow. Prends-le, je l'ai même pas sucé. Moi je vais le lécher. Tu peux l'avaler, hein? C'est pas comme les noyaux de cerise. Parce que les noyaux de cerise, si tu les avales, ça te pousse un arbre dans ton ventre. Si, mais les arbres de chamallow, ça existe pas, alors ça va. Ouais, tu sais, moi j'ai déjà eu 4 maladies avant. La rougeole, la rubéole, la scarole et... Maman, c'est quoi la maladie que j'avais eue avant? J'ai plus. J'ai une famille de monstres énormes qui habitent sous mon lit. Je les ai fait boire du chloroforme, maintenant ils sont gentils. 5 ans, 5 ans, je suis un grand, moi j'ai 5 ans. J'ai déjà fait des tas de métiers, major et des pompiers. Et pour mon Noël, j'ai commandé un zèbre et une télé. Je suis pas une petite de 3 ans. Arrête, je suis pas une petite de 4 ans. M'énerve maintenant. J'ai même plus que 4 ans et demi. J'ai 5 ans. Le 3 du mois d'avril prochain. Rachel Pignot, vous pourrez la voir à Avignon cet été, en juillet, dans sa comédie musicale Naturellement Belle. Et puis Vincent Eden, il sera la saison prochaine à l'affiche d'une nouvelle version de l'opéra de Katsu, en langue française pour les dialogues et en allemand pour les chansons, dirigée par Jean Lacornerie, qui sera proposée à la fois dans le nord de la France et à Lyon. Et je peux déjà vous dire que nous les recevrons, cette troupe au complet, en octobre prochain pour l'un des prochains cabarets 42e rue de la rentrée. Laurent Vallière, 42e rue France Musique. C'est d'ailleurs fou comme on monte des opéras de Katsu partout en France. Opéra Katsu de Kurt Weill. Deux autres versions tournent en même temps. Une mise en scène par le Suisse Johan Mompard. Et puis une autre par Olivier Desbordes que vous pourrez voir cet été au Festival de Figeac ou au Festival de Saint-Céré avec notamment Nicole Croisille. Et puis aussi avec une jeune femme épatante, Ananda Setanen. On a reçu toute la troupe en avril dernier. Écoutez-la, Ananda Setanen, interpréter la fiancée du pirate. Elle est accompagnée au piano par Manuel Peskine, à la contrebasse par Alice Oquet. C'était au studio 106 de France Musique. Messieurs, dames, aujourd'hui, vous me voyez rincer les verres, faire les lits, récurer par terre. Quand on me donne un penny, je dis poliment merci. Je grelotte dans mes loques, dans cet hôtel de misère. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais voilà qu'un soir monteront du port des cris de haine et de peur, des cris d'horreur et de mort. Alors vous me verrez sourire sans rien dire. Vous direz, qu'a-t-elle donc à sourire? Le navire des corsaires, toute voile dehors, mouillera dans le port. On me dit, mon enfant, fais tes vers, fais mon lit. On me donne un malheureux penny. Et le penny, je le prends, et puis je vais faire mon lit. Mais personne cette nuit ne dormira dans son lit. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais ce soir sur le port, à quelle clameur, je serai à ma fenêtre, me moquant de vos terreurs. Vous vous demanderez qu'est-il donc arrivé. Vous direz, pourquoi ce rire mauvais. Le navire des corsaires découvrant ses ses sabbats, canon ne râle pas. Ce jour-là, vers midi, 100 marins débarqueront et dans l'ombre ils avanceront. Alors ils vous prendront et ils vous enchaîneront à genoux devant moi. Ils vous aligneront, ils me demanderont qui mettre à mort. Ils me demanderont qui mettre à mort. Ce jour-là, quel silence sur le port. Devant moi vous gémirez, devant moi vous tremblerez. Quand vous m'entendrez dire doucement, tu l'es tous. Et à chaque tête qui tombera, le navire écossais, toute voile dehors, m'emporte vers mon sort. Ananda Setanen, la fiancée du pirate. Enfin cette saison, nous avons eu le plaisir d'offrir à 16 auditeurs un voyage à Londres pour assister à des comédies musicales, Guys and Dolls, Kinky Boots, Charlie et la chocolaterie. Et bien sûr, on a fait beaucoup de déçus. Alors, pour cette dernière de la saison, on a un petit cadeau pour vous. Le CD de Kinky Boots, la comédie musicale qui, après avoir triomphé à New York, cartonne à Londres. Musique, Cyndi Lauper, parole, Harvey Fierstein. L'histoire d'un homme qui hérite d'une fabrique de chaussures dans l'Angleterre industrielle. Une fabrique de chaussures à la dérive, et il va, avec l'aide d'une drag queen, sauver l'usine en la spécialisant dans des bottes brillantes à semelles compensées. Pour recevoir un des 5 CD que je vous offre, eh bien, vous nous écrivez tout simplement en passant par l'onglet contact sur la page de l'émission francemusique.fr, et surtout vous n'oubliez pas d'indiquer votre adresse pour qu'on puisse vous l'envoyer. Cet album, le tirage au sort, c'est mercredi prochain et on avertira les gagnants par mail. En attendant, voici un extrait de cet album, Kinky Boots, version anglaise, qui vient de paraître chez Sony Masterworks, avec Matt Henry et Killian Donnelly. Trust your feet in Price and Son, our work is tried and true. Practical, pragmatical, steadfast and sturdy, sturdy. If you stroll or saunter and will watch or hop or run, the prudent shoe for you to choose is Price and Son. You might think beauty comes in spring and sparrow, or when the sunrise hits the morning dew. But if you walk the straight and narrow, you'll find the elegance and comfort is a... Do you know what the most beautiful thing in the world is, Charlie? A shoe. A shoe. The most beautiful thing in the world. The most beautiful thing in the world, Charlie, that I know. Sing it, Charlie. The most beautiful thing in the world. The most beautiful thing in the world, Charlie, it's beautiful. For generations have paved the way before you. You'll be next in line when my time is through. And there's a saying and a done and a found you that you can tell about a fella from his shoe. The most beautiful thing in the world. The most beautiful thing. What if I don't want to make shoes? You're a right funny kid, you are. Shoes. And get inside here, stupid boy! Charlie! Here are the shoes I told you about. Come and have a look. Aren't they the most necessary things ever? You want to slip a ring on my finger, you'll first slip these shoes on my feet. A tad posh for life in Northampton, wouldn't you say? Then good thing we're moving to London. And won't they make a fitting farewell to the stink of cattle farms and tanning leather? We may have been born in a small factory town, but we sure as hell don't have to die there. You see the price? There's 3 months' rent. Pinch him or pay for him. That's up to you. But these shoes are in my future. To new beginnings. Factory, you belong here. No, I belong with Nicola in London. No, you belong here. Oh, will you toast my journey? But to leave your family and home for a job shopping in London. Marketing. Dad, Richard Bailey has offered Nicola and me positions marketing real estate. You're breaking my heart, Charlie. To you, Dad. Shoes can protect a man's journey, but only his heart can choose the path. And so a toast to our own Charlie. You never fail to point your shoes back home. To Charlie! Beautiful, it's beautiful. To Charlie! Beautiful, it's beautiful. To Charlie! These shoes are symbols of our family history. These shoes will carry me to where I wanna be. These shoes are symbols of our family history. Don't you go anywhere, 'cause you belong to me. You all do realise you're talking about shoes? The most beautiful thing in the world. The most beautiful thing in the world. L'ouverture de Kinky Boots est pour recevoir l'un des 5 CD de Kinky Boots version anglaise, cette comédie musicale actuellement à l'affiche à Londres. Vous nous écrivez en n'oubliant pas d'indiquer votre adresse. Vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et vous cliquez sur l'onglet contact. Dans l'actualité des comédies musicales, outre tout ce que le festival OFF d'Avignon offre de spectacles musicaux en juillet, voici au cinéma mercredi Sur quel pied danser, une comédie musicale sociale, justement dans une usine de chaussures, avec des chansons signées Clarica, Jeanne Chéral ou Albin de la Simone, et avec notamment à l'affiche Julie Victor. Et puis au théâtre de la Huchette, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir une excellente comédie musicale sanglante, inspirée d'une œuvre de Gaston Leroux, La poupée sanglante, l'histoire d'une femme promise à un mari qui tombe sous le charme de Bénédicte Masson, un homme qui possède une très mauvaise réputation. C'est poétique, c'est drôle, c'est effrayant, c'est fantastique, très début XXe siècle, avec trois acteurs qui jouent tous les personnages dans une mise en scène inventive, Charlotte Ruby, Alexandre Jérôme, Édouard Thiébaud et au piano, et en tant que co-auteur, Didier Bailly. Voici un petit avant-goût. Dans Paris, le vent s'amuse à rendre fous tous les passants. Les jolies garçons arpentent les rues, joueuses et friponnes. On dirait bien que le printemps est parti pour durer 10 ans. Paris est une fête et la folie en tête, une songe au lendemain. S'envole dans les soupirs et les vapeurs d'alcool. Tant pis si les serments d'amour s'évanouissent tout petit jour. Paris est en grisette et la vie est parfaite. Pour qui tient une main dans sa main? La poupée sanglante au théâtre de la Huchette, un conseil, allez-y. Plus d'informations, le podcast, la référence des disques diffusés, les vidéos, vous trouverez tout ça sur francemusique.fr et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter. On s'appelle tout simplement 42e rue. Un grand merci pour votre fidélité toute cette saison. On essaiera de faire encore mieux la saison prochaine. On se retrouve sur France Musique dimanche 4 septembre. Mais je vous retrouve tout l'été, chaque week-end de 18h à 20h, le samedi et le dimanche, j'aurai le plaisir de vous accompagner avec une programmation musicale que j'espère malicieuse. La 42e rue, en tout cas, c'est toute une équipe. Martine Moni, que je remercie, qui prépare les émissions. Et Perrine Mingui, que je remercie aussi, notre fée réalisatrice et à la technique ce matin, Pascal Bénard. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière. Je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous samedi à 18h. Dans un instant, vous retrouvez Renaud Machard. Rideau.